before I come, Jesus. Amen. Love is so wonderful. Der Herr ist so wundervoll. Amen. Our daddy is so good. Unser Vater ist so gut. Notre père est vraiment bon. Amen. Amen. He's so good. Er ist so gut. Learn to say thank you to him. Lern Danke zu ihm zu sagen. Apprends de dire merci à Jésus Christ. Amen. There's no father that lives forever except him. Es gibt keinen Vater, der für immer lebt, außer er. Amen. Aucun père vit pour toujours sauf Jésus Christ. The natural parents is a matter of time. Die natürlichen Eltern sind irgendwann weg. C'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tes parents naturels meurent. But Christ as your parents, your father, your mother, your brothers and sisters is forever. Aber Christus als dein Mutter, Vater, Brüder, Schwestern, das ist für immer. Mais le Christ comme ta mère, comme ton père, comme tes frères et sœurs, c'est pour toujours. It's a matter of time, the flesh will disappoint you. Es ist eine Frage der Zeit und das Fleisch wird dich enttäuschen. Et c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que la chair va te décevoir. But there is somebody that can never disappoint you. Es gibt jemanden, der dich niemals enttäuschen kann. And that person is Christ Jesus. Und diese Person ist Christus Jesus. Et cette personne, c'est Jésus Christ. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. Il t'aime vraiment beaucoup. And he left heaven. Er hat den Himmel verlassen. Il a laissé les cieux pour toi. Came here. Er kam hierhin. Il est venu ici. Because of you. Wegen dir. À cause de toi. If you are the only one on earth, you could have stayed here. Selbst wenn du die einzige Person hier auf Erden gewesen wärst, wäre er dennoch gekommen für dich. Si tu étais la seule personne qui était ici, il voulait toujours venir pour toi. Amen. Amen. Don't ever see that because people are many, that's why he came. Denk niemals, dass er nur gekommen ist, weil es viele Leute waren. Ne crois pas que seulement parce que c'était il avait beaucoup de gens, c'est ça pourquoi il est venu. If you are the only one on earth, he could have still come to pay the price. Selbst wenn du die einzige Person auf Erden gewesen wärst, dann wäre er dennoch gekommen, um den Preis zu bezahlen. Même si tu étais la seule personne ici sur terre, il allait toujours venir pour toi. You know how you know that. Wisst ihr, wie ihr das erkennt? Tu sais comment tu le sais? Only Adam. Nur Adam. Seulement Adam. He created. Hat er erschaffen. Il a créé seulement Adam. And before he created him, he created everything for him. Bevor er Adam erschaffen hat, hat er erstmal die Erde erschaffen, alles vorbereitet. Mais avant qu'il a créé Adam, il a tout d'abord tout préparé pour lui. There was overflow everywhere. Es gab Überfluss überall. Il y avait l'abondance partout. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's your father. Er ist dein Vater. Il est ton père. Learn to love him. Lerne ihn zu lieben. Amen. Apprends de lui aimer. Because he loves you so much. Er liebt dich so sehr. Parce qu'il t'aime beaucoup. You know, if somebody loves you, you are to love him in return. Und wenn dich jemand liebt, sollst du ihn zurücklieben. Et si quelqu'un t'aime, tu dois l'aimer aussi au retour. Learn to seek him. Lerne Christus zu suchen. Apprends de chercher Jésus Christ. And not seek things. Und nicht Dinge zu suchen. Et ne cherche pas des choses. Dinge müssen dich aufsuchen. Parce que les choses doivent te chercher. Once you seek him. Wenn du ihn suchst. Quand tu cherches Dieu. You know, all this Jara, you know. Praise the Lord. Hallelujah. Every other thing, the blessing, the victory, all the victory, they will pursue you and overtake you. Der Sieg, der Erfolg, alles wird dich dir nachfolgen und dich überholen wollen. Denn suche erst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird dir hinzugegeben. Et quand tu cherches Jésus Christ, toute la victoire même dans ce monde va te poursuivre. C'est ça pourquoi Dieu a dit, cherche d'abord le royaume de ceux, puis toute autre chose va être ajoutée. And all others will be added unto you. Und alles andere wird dir et toute autre chose va être ajoutée, n'importe qu'est-ce que c'est. All others that he has for you. Alles andere, was sein Wille ist, was für dich hat. Toute autre chose que Dieu a pour toi, ce qui est sa volonté. Praise the Lord. Hallelujah. Stop seeking Jara. Hör auf, nach dem Kleinen zu suchen. You know what is Jara? Wisst ihr, was das Kleine ist? Amen. Amen. Suche nach dem wahrhaftigen Essen. Arrête de chercher des choses, mais cherche la vraie nourriture. Remember John 6. He says, seek the meat that never perishes. Johannes 6 lesen wir, suche nach dem unvergänglichen Fleisch, nach der unvergänglichen Speise. Jean 6 a dit, cherche la nourriture qui ne périt jamais. Amen. Amen. Stop seeking things. If you seek things, things will run away from you. Weil wenn wir nach Dingen suchen, werden diese Dinge vor uns weglaufen. Arrête de chercher des choses, parce que quand tu poursuis des choses, là ces choses vont te fuir. Things can only run after you if you seek Christ. Aber die Dinge können nur hinter dir her sein, wenn du Christus suchst. Die Dinge von Christus können dich nur aufsuchen, wenn du hinter Christus her bist. Mais les choses du Christ peuvent seulement te poursuivre quand toi tu cherches Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible is about a relationship. Die Bibel, da geht es um eine Beziehung mit dem einzig wahrhaftigen Gott. Dans la Bible, il s'agit d'une relation avec le seul vrai Dieu. Amen. Amen. It's not about solving problems. Es geht nicht darum, Probleme zu lösen. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes. Because our problem has been solved. Denn alle Probleme wurden schon gelöst am Kreuz. Yeah, parce Amen. Que chaque problème a été résolu à la croix. Amen. Amen. It's solved all. When he died for you. Er hat alles gelöst, als er für dich gestorben ist am Kreuz. Il a tout résolu quand il est mort pour toi à la croix. Are you getting it? Yes. The Bible is all about a relationship with the true God. In der Bibel geht es um eine Beziehung That's mit dem wahrhaften Gott. Salvation is. Das ist Errettung. Et dans la Bible, il s'agit seulement d'une relation avec le seul vrai Dieu. C'est ça le salut. Go to John 17. Johannes 17. Jean 17. Amen. Amen. To know your Father. Deinen Vater zu kennen. Connaître ton père. It means to know who you are. Zu wissen, wer wir sind. Ça signifie de connaître qui tu es. Until you know Christ, you can never know who you are. Erst wenn du Christus kennst, weißt du, wer du bist. Jusqu'à ce que tu connais le Christ, tu ne peux pas savoir qui tu es. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Because you are Christ. Denn du bist Christus. Amen. Christus. He said, as he is, so are you right now. Jesus sagt, so wie er ist, so sind wir jetzt hier auf dieser Welt. Parce qu'il nous dit, tel il est, tel nous sommes ici sur terre. He never see you different. Er sieht sich niemals getrennt von dir. Il ne te voit jamais différent de lui. I mean, if you are saved. Wenn du errettet bist. Si tu es sauvé. If you are seeking him. Wenn du ihn suchst, si tu le cherches, you are hungry of him. Wenn du hungrig bist nach ihm, si tu as faim de lui, if your heart is open to him, wenn dein Herz geöffnet ist zu ihm, si ton cœur est ouvert pour Dieu, if it is all about him in everything, for wenn you. Es dir immer um ihn geht in allem, quand il s'agit seulement de Dieu pour toi dans en tout. Praise the Lord. Amen. In John 17, verse 3. Johannes 17, Vers 3. Jean 17, verset 3. It says, this is life eternal. That the mind know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. That is what heaven called salvation. Das ist das, was der Himmel Errettung nennt. C'est ça ce que Dieu, le ciel appelle le salut. To know your father. Deinen Vater kennen. De connaître ton père. To know who you are. Zu wissen, wer du bist. De savoir qui tu es. Amen. Amen. You do not know who you are. Satan will steal from you. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird der Satan von dir stehlen. Tu ne connais pas ton identité. You will never be free. Du wirst niemals frei sein. Tu vas jamais être libre. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But do we want this relationship? Aber wollen wir diese Beziehung mit Jesus Christus? Mais on veut cette relation avec Dieu. Do we want it or not? Wollen wir die Beziehung mit Christus Jesus? Est-ce qu'on le veut ou pas? The answer should be yes. Die Antwort sollte ja sein, bitte. La réponse doit être oui, s'il te plaît. It should not be yes today, tomorrow no. Nicht heute ja und morgen wieder vielleicht. Ça ne doit pas être aujourd'hui oui puis demain c'est non. Allow the answer to be forever. Lass zu, dass die Antwort für immer ist. Permet que la réponse soit oui pour toujours. Amen. Amen. You know, today we the message is supposed to be how to go to the Holy Spirit. Because we are to hear the voice of the Holy Spirit. Because he hears your voice always, but you do not hear from him. Mm-hmm. You do not know how to hear his voice. But he always hears you. Mm-hmm. But you know, two cannot, without communication, things can never work. You have to communicate. And he mm-hmm. You speak to him, and when he speaks to you, but you never know, you never hear it. And it's a big problem for God's mm-hmm. children. Der Herr will, dass wir ihn hören, denn er hört uns ständig, aber hören wir ihn. Und zu einer Kommunikation, zu einer Beziehung gehören zwei Personen und beide müssen einander hören können. Normalement, le Saint-Esprit voulait qu'on parle de comment entendre la voix du Saint-Esprit, parce que le problème est que les enfants de Dieu ne savent pas comment écouter la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit t'écoute quand tu parles, mais tout ça pour aussi entendre la voix du Saint-Esprit, tu as besoin de la communication avec le Saint-Esprit. How to go to the Holy Spirit means how to hear the voice of God. Wie wir zum Heiligen Geist gehen, bedeutet, wie wir die Stimme Gottes hören. Et donc, comment écouter la voix du Saint-Esprit, ça signifie aussi comment écouter Dieu. And how to take decision by faith. Und wie wir Entscheidungen im Glauben treffen. Et comment prendre des décisions dans la foi. Because we are faith family. Denn wir sind die Glaubensfamilie. Parce que nous sommes la famille de la foi. Faith means Christ. Und Glaube ist Christus. La foi est le Christ. We are Christ family. Wir sind die Familie von Christus. Nous sommes la famille du Christ. We are the blood family. Wir sind die Blutsfamilie. Nous sommes la famille du sang. Blood of Christ Jesus. Das Amen. Blut von Christus le Jesus. Sang de Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. But before we go there, I don't know if we can even go there today because you know the, today we only have just 2 hours. It's so short. Amen. Amen. I will quickly give you what the Lord has for us. Ich werde kurz euch das geben, was der Herr für uns hat, weil wir heute nur weniger Zeit haben als sonntags. Mais avant de parler de, du sujet de, du Saint-Esprit, on va d'abord parler de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Consider Jesus. Erachte Christus. Considère le Jésus-Christ. Always consider Christ. Erachte immer wieder Christus. Considère toujours le Christ. Before you take any decision, remember Jesus. Entscheidung triffst, erinnere dich an Christus. Avant de prendre une décision, rappelle-toi à Jésus-Christ. Be used to Christ. Erachte Christus. Sois habitué à Jésus-Christ. Gewöhne dich an Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Let it become, you know, without Christ you cannot live only. Lass zu, dass du auf dem Modus bist. Ohne Christus kannst du nicht leben. Mm-hmm. Permet que que tu penses que oui ta façon de vivre soit que sans Jésus-Christ tu ne peux pas vivre. Which is called lifestyle. Das heißt meine Lebenseinstellung. C'est une façon de vivre. Allow no having him to be your lifestyle. Zulassen, dass er dein Lebensstil ist. Que tu permets que Jésus-Christ soit ta façon de vivre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. I know that Christ cannot change some people. Ich weiß, dass Christus einige Leute nicht verändern kann. Je sais que le Christ peut pas changer tout le monde. No matter the truth, they can never be changed. Egal wie viel Wahrheit sie hören, sie können nicht geändert, verändert werden. N'importe comment ils attendent la vérité, ne peuvent pas être changés. Just like he could not change the Pharisees. Genauso wie er die Pharisäer nicht ändern konnte. Comme il ne pouvait pas changer les Pharisiens. In spite of all the truth. Obwohl sie so viel Wahrheit, die Wahrheit stand vor ihnen, aber sie haben sich dennoch nicht geändert. Malgré tout la vérité. Amen. Amen. There was no amount of the truth that could change the Pharisees. Keine Masse von Wahrheit konnte die Pharisäer ändern. Et oui, aucune grandeur de la vérité pouvait changer les pharisiens. Are we like that today? Sind wir heute auch so? Mais est-ce que nous sommes aussi comme ça aujourd'hui? Amen. Amen. Are we like that today? Sind wir heute so? Est-ce que nous sommes comme ça comme eux? Amen. Amen. We hear the truth always. Wir hören ständig die Wahrheit. On écoute toujours la vérité. We believe it. Aber glauben wir? Mais est-ce qu'on le croit? We act on it. Handeln wir danach? Est-ce qu'on agit selon la vérité? Are you getting it? Don't let us be like that. Lass nicht zu, dass wir so wie sie sind. Ne permet pas que nous sommes comme les pharisiens. Amen. Amen. He did not force the Pharisees to accept him. Er hat die Pharisäer nicht gezwungen, ihn zu akzeptieren. Als Jesus hier war, hat er sie nicht gezwungen, ihn zu akzeptieren. Quand Jésus-Christ était physiquement ici, il n'a pas forcé les pharisiens de le croire. So also he will not force us today to accept it. Und genauso wird er es auch heute nicht tun. Er wird auch heute niemanden dazu zwingen. C'est comme ça aussi, il va pas forcer quelqu'un de lui accepter aujourd'hui. Just like he don't force Lucifer to remain in heaven. Genauso wie auch Engel Lucifer nicht gezwungen hat, im Himmel zu bleiben. Und comme il n'a pas aussi forcé Lucifer de rester aux cieux. Amen. Amen. Because his kingdom is a kingdom of choice. Denn sein Königreich ist ein Königreich der Wahl. Du entscheidest. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de la choix. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He never take anybody to hell. Er schickt niemanden in die Hölle. Il amène personne en enfer. People choose hell. Leute entscheiden sich für die Hölle. Les gens choisissent and he respects your will. Und er respektiert deine Entscheidung. Respect your choice. And respektiert deine Entscheidung. Mais il respecte ta volonté, il respecte ton choix. He is not a dictator. Er ist kein Diktator. Il n'est pas un dictateur. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, when Lucifer was in heaven, he did not force Lucifer to remain in heaven. Als Lucifer im Himmel war, hat er nicht gezwungen, nach seinem Ungehorsam im Himmel zu bleiben. Et quand Lucifer était aux cieux, Dieu n'a pas obligé Lucifer de rester aux cieux. And don't expect him to also force him. Ja, und erwarte auch nicht, dass er dich zwingen wird. Et n'attends pas que... Okay. Ja, bye. Bye. Praise the Lord. Et n'attends pas que le diable t'oblige aussi de que tu restes aussi. Praise the Lord. Hallelujah. The Pharisees, they were always rejecting the truth. Die Pharisäer haben immer wieder die Wahrheit verweigert. Et les pharisiens ont toujours rejeté la vérité. Please, this message is always also a warning to us. Und diese Botschaft ist auch eine Warnung an uns, amen. Et ce message est aussi un avertissement pour nous. That we should stop rejecting the truth. Dass wir aufhören sollen, die Wahrheit zu verweigern. Und wir arrêter de rejeter la vérité. Accept the truth. Humble yourself and repent. Akzeptiert die Wahrheit, demütigt euch und tut Buße, bevor es zu spät ist für euch. Accept la vérité, soumets-toi et puis crois Jésus-Christ. Avant que ce soit trop tard pour toi. For Satan to steal, kill and destroy, you have to first of all separate you from God's children. Weil bevor der Satan stehlen, töten und zerstören kann, muss er dich erstmal von Kindern Gottes trennen. Pour que le diable peut te, te détruire et voler de toi, il doit d'abord te séparer des enfants de Dieu. Amen. Again, the Pharisees, they were always rejecting the truth. Die Pharisäer haben immer wieder die Wahrheit verweigert. Et les pharisiens ont toujours rejeté la vérité comme quelqu'un entre nous. Just like some of us today. Genauso wie einige von uns heute. Comme certains entre nous. Amen. Amen. The truth can only soften your heart. Amen. If your heart is open to it. Die Wahrheit kann nur dein Herz erweichen, wenn dein Herz offen ist zur Wahrheit. Et la vérité peut seulement amollir ton cœur si ton cœur est ouvert pour la vérité. The truth can soften your heart. And it can also harden your heart. Aber genauso kann die Wahrheit auch dein Herz verhärten. La vérité peut amollir ton cœur, mais aussi endurcir ton cœur. Amen. And that's why you don't wonder why people are not accepting repentance in spite of all the truth. Deswegen wundert euch nicht, dass Leute die Ermahnung im Glauben nicht annehmen, weil ihr Herz sich anstatt zu erweichen, es sich verhärtet. Et c'est ça pourquoi ne soyez pas surpris pourquoi quand la vérité est prêchée les gens ne sont pas prêts à se repentir parce que la vérité peut aussi endurcir ton cœur. If you look at the Pharisees. Wenn du die Pharisäer anschaust. Si vous voyez les Pharisiens. About the truth that Jesus spoke to them, revealed to them. Their heart was so hard. Obwohl Jesus so viel Wahrheit ihnen ausgeschüttet hat, war ihr Herz immer noch verhärtet. Sogar es hat sich noch mehr verhärtet, ne, bis zu dem Punkt, dass sie ihn töten wollten. Malgré toute la vérité que Jésus-Christ avait partagée avec les pharisiens, leur corps était toujours endurci. The more he revealed the truth, because what Jesus speaks is revelation. Weil wenn Jesus spricht, ist es Offenbarung. Parce que quand Jésus-Christ parle, c'est une révélation. He revealed the truth to them. Er offenbart ihnen die Wahrheit. Il révèle les gens la vérité. That their father, the father that they follow right now is Satan, so that they repent from there. Dass sie Buße tun von dem Vater, dem sie momentan folgen, welcher der Satan ist. Aber sie haben sich geweigert. Donc Jésus-Christ avait dit que les pharisiens doivent se repentir de leur père qui est le diable, mais ils ont refusé à se repentir. Instead of accepting the truth, they seek to kill him. Anstatt die Wahrheit zu akzeptieren, versuchen sie ihn zu töten. Au lieu d'accepter la vérité, ils ont cherché à tuer Jésus-Christ. So also Paul. Genauso auch Paulus. C'est comme ça aussi avec Paul. Amen. Jesus also talked about the prophets. Amen. He said, "Your father seek to kill them, and they kill a lot." Amen. In spite of all the truth that people preached, but you know your heart is still hardened because you refuse to open your heart to the truth. Und er hat ihnen sogar gesagt, dass ihr mich dennoch sucht zu töten wegen der Verhärtung eures Herzens, dass Abraham das eben nicht getan hat. Sein Herz war nicht verhärtet gegenüber ihm, aber euer ist verhärtet gegenüber mir und deswegen sucht er mich zu töten. Et quand Jésus-Christ a dit que leur père est le diable, les pharisiens ont dit que non, mais notre père est Abraham. Après, Jésus-Christ a dit, si vous étiez vraiment oui, les enfants d'Abraham, vous n'allez pas faire les œuvres que vous faisiez, parce que même vos pères, ils ont même poursuivi aussi les prophètes qui ont prêché la vérité de Dieu. You know why your heart is so hardened. Vous savez pourquoi votre cœur est vraiment endurci? C'est pourquoi ton cœur est vraiment endurci. Amen. Because you refuse to allow your heart to be open to the truth. Du weigerst dich, dass dein Herz offen ist zur Wahrheit. So wie genauso bei den Pharisäern. Parce que tu refuses que ton cœur soit ouvert pour la vérité comme les pharisiens. The truth does not force its way. Die Wahrheit zwingt sich nicht, drängt sich nicht auf uns, nee. Die Wahrheit zwingt sich uns nicht auf, genau. Mhm. La vérité ne se force pas dans notre vie. He need an open heart. Er braucht ein offenes Herz, offene Tore. Il a besoin d'un cœur ouvert. He need your cooperation. Er braucht unsere Kooperation. Il a besoin de ta coopération. He needs you to see him alone. Er braucht es, dass dein Fokus nur auf ihn ist, dass du nur ihn siehst. Il a, il veut que tu vois seulement Jésus Christ. Seeing the truth is seeing Christ. Die Wahrheit zu sehen bedeutet Christus zu sehen. Voir la vérité, c'est voir Jésus Christ. It is seeing also how he loves you. Das heißt auch sehen, wie sehr er dich liebt. Et ça signifie que tu vois aussi qu'il t'aime. In spite of what you have been doing to him. Trotz der ganzen Dinge, die du ihm angetan hast. Malgré toutes les choses que tu as fait à Jésus Christ. He still there loving you. Und noch antun wirst, und dennoch liebt er dich weiterhin. Il est toujours là pour t'aimer. And he is still knocking today and say, open the door for me. Und er klopft immer noch und bittet darum, dass du ihm die Tür öffnest. Et il frappe toujours à ton cœur pour entrer dans ta vie. Allow me to live in you and live through you. Lass zu, dass ich in dir wohne, though I know you hate me. Und durch dich hindurch leben kann, obwohl du mich hast. Il dit, permets que j'entre dans ta vie pour que je vive dans ta vie malgré dans ta haine pour moi. You know how we have punished Jesus. Vous savez comment Christus Jesus gequält haben. Et vous savez comment nous avons puni Jésus-Christ. It was the whole world that killed him. Die ganze Welt hat ihn getötet. Donc, le monde entier a tué Jésus-Christ. Amen. When Adam failed, the whole world failed. Als Adam gefallen ist, ist die ganze Welt gefallen. Quand Adam est tombé, tout le monde est tombé. But in spite of that, all these things. Amen. Amen. He still came. Ist er dennoch gekommen? Dennoch ist er gekommen. Et malgré toutes ces choses, Jésus-Christ est toujours venu. To save you. Um dich zu retten. Pour te sauver. Amen. You are not bigger than Jesus. Du bist nicht größer als Jesus. Tu n'es pas plus grand que Jésus. If he can humble yourself, himself, wenn er sich demütigen kann, pray to humble yourself. Dann sollst du beten, danach streben, dich auch demütigen zu können. Si il peut s'humilier devant toi, là toi tu dois prier de s'humilier devant Jésus-Christ. The truth needs an open heart. Die Wahrheit braucht ein offenes Herz. La vérité a besoin d'un cœur ouvert. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go to 2 Chronicles 16. 2 Chronik 16. 2 Chronik 16. Praise the Lord. Vers 9. 2 Chronik 16, Vers 9. 2 Chronik 16, Vers 9. It says, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. He's looking. Amen. He's looking for the heart to live in. Er sucht nach einem Herz, in dem er wohnen kann. Il cherche un corps dans lequel il peut vivre. Amen. He's looking for the heart that he can go through. Er sucht nach einem Herz, in dem er wohnen kann. Il cherche un corps où il peut vivre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect. That's the heart that he is looking for. Ein ungeteiltes Herz, ein vollkommenes Herz. Danach sucht er. On a écrit que car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce don. Le cœur est tout entier en lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Je me suis décidé de choisir Jésus. It is a matter of the suivre Jésus Christ. Und das ist eine Herzensangelegenheit. C'est une chose, c'est un cas du cœur. Allow it to be a decision from the heart. Lass uns and not from your mouth. From Entscheidung aus dem Herzen, und nicht aus deinen von deinen Lippen. Et permet que ce soit une décision de ton cœur et pas seulement de tes lèvres. I have decided to follow Jesus. It is a matter of the heart. Das ist eine Herzenssache, diese Entscheidung. De dire que j'ai choisi, je me suis décidé de choisir Jésus-Christ ou de suivre Jésus-Christ, c'est un cas du cœur. I have decided to repent. It should come from the heart. Und genauso die Entscheidung, Buße zu tun, sollte auch nicht nur aus unseren Lippen kommen, sondern auch von unserem Herzen. Je me suis décidé de me repentir. Ça doit venir du cœur et pas de tes lèvres. Amen. Amen. If it is not from your heart, it's a matter of time. You are going back to the old. You will, you know, the slightest, the little thing will bring you back. Ja, aber wenn es nicht vom Herzen ist, sondern nur vom Mund, ist eine Frage der Zeit, bis es weg, bis das weg ist, bis es dich schleudert. Und es wird wieder Kampf und Streit und Zank geben. Mais si, par exemple, tu dis ces choses seulement avec ta bouche et pas avec ton cœur, c'est seulement une question de temps jusqu'à ce qu'une petite chose va te ramener au passé où tu commences à discuter et à avoir des disputes avec tes frères et sœurs. Amen. Amen. You know, I have decided to follow Jesus. Ich habe entschieden, Jesus zu folgen. Je me suis décidé de suivre Jésus-Christ. It is a matter of the heart. Just like I have decided to say no to Jesus. It's a matter of the heart. Genauso ist Nein zu Jesus zu sagen auch eine Entscheidung, die aus dem Herzen triffst. Donc, de dire, je me suis décidé de suivre Jésus-Christ ou je me suis décidé de dire non à Jésus-Christ. Tous les deux choses sont un cas du cœur comme les pharisiens. Praise the Lord. Hallelujah. Like the Pharisees. Wie die Pharisäer. Comme les Pharisiens. Amen. It was a matter of the heart. Es war eine Herzenssache. C'était un cas du cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The truth can only soften your heart if you allow your heart to be open to it. Die Wahrheit kann nur dein Herz erweichen, wenn du es zulässt. Donc, la vérité peut seulement amollir ton cœur si toi tu le permets. If you believe it, act on it. Wenn du es glaubst und auch handelst. Si tu crois la vérité, puis tu agis selon la vérité. If not, the truth will harden your heart. Sonst wird die Wahrheit dein Herz verhärten noch mehr. Sinon, la vérité va même endurcir ton cœur. Amen. Amen. You know, as it is being preached and preached and preached, your heart will be hardened, more and more, like Pharaoh. Weil während du es immer wieder hörst, die Wahrheit immer wieder hörst, wird dein Herz immer mehr verhärtet. Because the truth will be it will not be provoking you. Weil die Wahrheit, it's not turned to something provoking you. Weil die Wahrheit dich dann anfängt zu provozieren. Donc quand tu écoutes, donc tu entends la vérité, puis on prêche toujours la vérité, et ça va aussi même causer que ton cœur s'endurcit de plus chaque fois quand tu écoutes la vérité comme le pharaon. Amen. The truth will not come become something that offends you. Die Wahrheit wird dann zu etwas, was dir ein Anstoß wird. Donc la vérité va devenir quelque chose qui t'offense. Praise the Lord. All of you know Pharaoh. Ihr alle kennt den Pharao. Tous, vous connaissez le Pharaon. You know the story of Pharaoh. Ihr kennt die Story. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Large measure of him. He's juicy. Der Herr hat ihn zur Schau gestellt, hat ihn öffentlich einen Pranger gestellt sozusagen. Donc Dieu a utilisé le Pharaon publiquement. Amen. The Lord will always use a hardy heart to teach his children. Der Herr wird immer ein Pferd als Exempel. Wenn das dein Herz verhärtet ist, ist gefährlich für Christus. Parce que c'est trop dangereux. In Christus. Ja. C'est dangereux quand tu endurcis ton corps devant le Christ. Well, read Exodus. Liest mal Exodus. Vas-y et lis Exodus. And see how Pharaoh's heart was always hardened. Und seht euch an, wie das Herz des Pharao immer verhärtet war. Et vois comment le cœur du Pharao a été toujours endurci. The more the word came to him, the more he hardened his heart. Umso mehr das Wort zu ihm kam, umso mehr hat er sein Herz verhärtet, verschlossen. Quand la vérité venait, il a toujours endurci son cœur. Are you getting it? Christ's word is the truth. Das Wort von Christus ist die Wahrheit. La parole du Christ est la vérité. Amen. The word that was coming to Pharaoh was the truth. die Wahrheit, das Wort, was an Pharao gekommen ist, war die Wahrheit. Es war Christus. Donc la parole qui venait, c'était la vérité du Christ. Pharaoh never allowed it to soften his heart. Aber der Pharao hat nicht zugelassen, dass es sein Herz erweicht. Mais le Pharaon a jamais permis que son corps soit amolli. Instead, it was hardened. Stattdessen wurde es noch mehr verhärtet. Mais ça a été toujours endurci. Exodus. We go just go to one place. Exodus. Exodus 9. Also 2. Mose, sorry. On va lire Exode 9. 2. Mose 9. Praise the Lord. Exodus 9. Vers 12. 2. Mose 9, Vers 12. Exode 9, verset 12. He said, and the Lord hardened the heart of Pharaoh. You see that? Amen. It was the word, the truth. Die Wahrheit. That word that Moses was releasing from his mouth. That hardened the heart of Pharaoh. Die Wahrheit, die Mose ausgeschüttet hat aus seinem Mund, hat das Herz des Pharao noch mehr verhärtet. Dans verset 12, on a écrit l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Donc ça montre qu'il a fait aussi à travers les paroles qu'il a parlé à travers de Moïse. Even when Moses was no longer there, when they left Egypt, they were now before the sea. You remember? You know, he said Pharaoh's heart was so hardened. He remembered Moses' words. Are you getting it? He remembered the word that was coming out. And that word, you know, the rod was Christ. So also the word that was coming from Moses' mouth. That word was Christ. And that word was the truth. And it hardened his heart. Because he was always rejecting the truth. Und auch als sie vor dem Roten Meer standen, Mose und das ganze Volk Israel, in Ägypten wurde das Herz des Pharao immer noch verhärtet durch die Erinnerung an das, was Mose zu ihm gesagt hat. Und daraufhin hat er ja dann entschieden, dass er den Kindern Israels dann doch nochmal hinterherjagt und sie doch nochmal zurück einholt. Weil, obwohl Mose nicht mehr physisch da war, die Worte waren immer noch da. Und haben ihn immer noch beeinflusst. Quand Moïse était encore en Égypte, il avait parlé à travers l'Esprit de Dieu au Pharaon. Donc, le Pharaon a toujours écouté la voix de Moïse. Donc, il avait écouté aussi la voix de Dieu. Mais quand Moïse a quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël, après là, le Pharaon a commencé à poursuivre les enfants de Dieu. Puis, il était aussi devant les eaux, donc devant la mer. Il s'est même rappelé aux paroles de Moïse, mais il a toujours continué à endurcir son corps. The word of the Lord is the Lord himself. Das Wort des Herrn ist der Herr selbst. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Do you know that sometimes somebody might speak to you 2-3 days ago, and today you are still be offended? Once you remember those words, it's as if that person is just speaking to you. Are you getting it? And your heart is so offended. You are sad. It's as if it just happened. Wisst ihr, dass manchmal, obwohl die Situation schon vorbei ist, die Worte dieser Person, die dich verletzt, gekränkt haben, sind immer noch in deinem Kopf und du bist immer noch wütend darüber, obwohl die Situation schon lange vorbei ist. Monate. Donc, rappelle-toi par exemple, si par exemple tu as été enfoncé par une personne et puis tu te rappelles aux paroles que cette personne a dit, c'était mais peut-être même 2 ou 3 jours passés, ça te fait toujours mal comme si tu te trouves maintenant dans cette situation bien que c'est déjà passé. The Lord softens our heart because we allow him to come in. Aber der Herr erweicht unser Herz, weil wir zulassen, dass er reinkommt. Mais l'Éternel, il amollit notre cœur parce qu'on permet qu'il entre dans notre cœur. You know, somebody might offend us, but once we remember his word, we just smile coolly. Jemand wird uns vielleicht gekränkt haben, aber wenn wir an sein Wort denken, dann lächeln wir einfach und beruhigt, so als ob man ein Feuer löschen würde. Peut-être quelqu'un nous a offensé, mais dès qu'on on pense à Jésus-Christ, nous sommes calmes, parce qu'on sait que Jésus-Christ est plus grand que cette personne. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. The Lord does everything through his word. Der Herr tut alles durch sein Wort. Parce que l'Éternel fait tout à travers sa parole. It is You know, he never does things without his word. Er tut niemals was ohne sein Wort. Il fait jamais des choses sans sa parole. In Genesis, he created everything with his word. In Genesis hat alles mit seinem Wort geschaffen. Let there be light. Let there be. He's just speaking. Donc même dans Genèse, il a créé tout avec sa parole. Il a même dit que la lumière soit, que la vie soit. And First Peter said we are born by His word. Und erst hat er gesagt, dass wir geboren sind durch sein Wort. Alles ist durch sein Wort. Et même Paul a dit que nous sommes nés à travers sa parole. Tout est fait par sa parole. In John 1:1, he said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." You can see that the Word is everything. Johannes 1:1 sagt, dass am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das Wort ist alles. Et dans Jean 1, on a écrit que au début il y avait la parole et la parole était Dieu. Revelation said Jesus is the Word. Offenbarung sagt, Jesus ist das Wort. L'Apocalypse dit que Jésus est la parole. Please let us consider Jesus. Lass uns bitte Jesus erachten. On doit considérer Jésus-Christ comme on a écrit dans Hébreux 12. It means consider his word. Erachte sein Wort. Ça signifie considère sa parole. Amen. Consider his finished work. Erachte sein fertiges Werk. Considère sa son œuvre. Consider how he loves you. Erachte, wie sehr er dich liebt. Considère comment il t'aime. Consider how he came here to pay the price for you. Erachte, wie er den Preis bezahlt hat, um für dich zu sterben. Considère comment il est venu pour payer le prix pour toi. If you are really him. Wenn du wirklich er bist, si tu es vraiment lui, you will be love. Dann wirst du Liebe sein. Tu vas être l'amour. Because he is love. Denn er ist Liebe. Parce que lui, il est l'amour. There's no evil in him. Es gibt nichts Böses in ihm. Il n'y a pas du mal en lui. There's no forgiveness in him. Es gibt keine Unvergebenheit in ihm. Il n'y a pas d'un pardon. There is nothing like unrepentance in him. Es gibt kein unbußfertiges Herz in ihm. Il n'y a pas un corps en lui qui n'est pas prêt à se repentir. He does not have a hardened heart. Er hat kein fertiges Herz. Il n'a pas un corps endurci. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Jesus considered his father in all things. Jesus hat seinen Vater in allem erachtet. Jésus-Christ a considéré son père en tout. And that is why he was able to say, I do always those things that please him. Das war er Lage zu sagen, ich tue allzeit das, was meinem Vater gefällt. C'est ça pourquoi il a été capable à dire, je fais toujours ce qui plaît à mon père. He never considered himself. Er hat sich niemals selbst erachtet, aber seinen Vater. Il s'est jamais considéré lui-même, mais toujours son père. And that is why you consider Christ and not you. Deswegen erachten wir Christus und nicht uns selbst. C'est ça pourquoi tu dois considérer le Christ. Stop considering the flesh. Hör auf, das Fleisch zu erachten. Arrête de considérer la chair. Consider Christ alone. Erachte Christus allein. Considère seulement Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Stop considering the flesh. Hör auf, das Fleisch zu erachten. Arrête de considérer la chair. Don't stop considering people. Hör auf, Leute zu erachten, sondern Christus. Arrête de considérer les gens, mais considère le Christ. Stop considering your wife. Hör auf, deine Frau zu erachten oder deinen Ehemann zu achten oder Kinder. Erachte Christus. Arrête de considérer ta femme, ton mari ou bien tes enfants, mais considère le Christ. That is how you can be there for them. So können wir da sein für sie. C'est comme ça que tu peux être là pour eux. Are you getting it? Praise the Lord. Christ's words are always two things. Das Wort von Christus hat immer zwei Seiten. Et au monde du Christ, il y a toujours deux côtés. We just talk about it can harden your heart and can soften your heart. Wir haben gerade darüber reden, dass es dein Herz verhärten kann, aber auch erweichen kann. On vient de dire que sa parole peut soit amollir ton cœur ou bien endurcir ton cœur. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He can soften your heart, he can harden it. Er kann dein That's Herz the truth. Erweichen, aber auch verhärten. Das ist die Wahrheit. Il peut amollir ton cœur ou bien endurcir ton cœur, c'est ça la vérité. Amen. Mm-hmm. So also he can humble you and he can offend you. Er kann dich auch demütigen, er kann dich aber auch kränken. Il peut t'aider à te humilier ou bien il peut t'offenser. You know that. Mm. He can humble you. Once you hear, you humble. Du was hörst, dann demütigst du dich. Donc, quand tu écoutes sa voix, tu peux te humilier. And he can provoke you and make you to be offended. Und er kann dich auch provozieren, dafür sorgen, dass du Anstoß nimmst, wie bei den Pharisäern. Mais il peut aussi t'offenser, te provoquer comme les Pharisiens. Which part are you? Aber zu welcher Seite gehörst du? Mais à quel côté tu Which part are you going to choose? Let's go to Matthew 15. Welche Seite wirst du wählen? Quel côté tu vas choisir? On va lire Welche Seite wirst du wählen? Ach so, Matthäus 15. Amen. Die, die tu vas choisir, on va maintenant lire Matthieu 15. Are you going to allow him to keep on, you know, the world to keep on hardening your heart or to soften it? Wirst du zulassen, dass das Wort dein Herz verhärtet oder dass es dein Herz erweicht? Tu vas permettre que sa parole, sa vérité, amollit ton cœur ou bien endurcit ton cœur? Or to humble your heart or to offend you? Oder dein Herz zu erweicht, zu demütigen oder dich zu kränken? Ou bien qu'il t'amollit ou bien il t'offense? Remember John 6. Go to Matthew 15, please. On va lire d'abord Matthieu 15. Amen. Let's go to Matthew 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 12. Verse 12. Verse 12. Praise the Lord. Hallelujah. He said, then came his... Oh, let me see. Verse 12, please. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? They were offended. Instead of them to humble themselves, they were offended. Anstatt sich die zu demütigen, waren, haben sie sogar Anschluss genommen an der Wahrheit. Dans verset 12, on peut voir qu'au lieu que les pharisiens s'humilient devant Jésus-Christ, ils ont été même offensés de Jésus-Christ. You know how many people have been offended here because of the truth. Leute Anschluss nehmen wegen der Wahrheit. Vous savez combien les gens ont été offensés ici à cause de la vérité. Instead of you to humble yourself before Christ. Statt dich zu demütigen vor der Wahrheit, bist du nicht anders als die Pharisäer. Tu n'es pas différent aux Pharisiens. Somebody getting something here. He said, you know that they are offended because of your words. Sie nehmen Anstoß wegen deinen Worten. Il y a écrit que, sais-tu que les Pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? You know, Jesus never apologized. Jésus hat sich niemals entschuldigt. Mais Jésus-Christ ne s'est jamais pardonné. You know, because you know they are dead. Et er weiß, dass sie tot sind. Parce qu'il sait qu'ils sont morts. Amen. Mm. You don't apologize to the dead. Du entschuldigst dich nicht bei den Toten. Tu n'as pas besoin de pardonner devant les morts. Verse 13 of Matthew 15. But he answered and said. 13. Every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. Mm. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah! I love Christ so much. Ich liebe Christus so sehr. J'aime vraiment Jésus. I love his word so much. Ich liebe sein Wort so sehr. J'aime sa parole beaucoup. Amen. Amen. His word humbled me. Sein Wort hat mich gedemütigt. Sa parole m'a humilié. He never offend me. Ich nehme keinen Anstoß daran. Ça m'a jamais offensé. Amen. It helped me to humble myself. Es hilft mir, mich zu demütigen. Ça m'aide à me humilier. It helped me to depend on him. Es hilft mir, sich auf ihn zu verlassen. Et de dépendre seulement de Jésus-Christ. It helped me to trust him. Ihm zu vertrauen. Et de lui faire confiance. It helped me to get out of self. Raus aus dem Selbst zu kommen. Il m'aide aussi de sortir du soi. Stop allowing Christ's word, the truth, to push you further into the flesh. You are not different from Pharaoh. Wahrheit dich ins Fleisch drückt. Du bist nicht anders als die Pharisäer. Ne permet pas que la vérité du Christ te pousse d'être de plus dans la chair. Ne sois pas comme le pharaon ou les pharisiens. Amen. Everything of him, they are tutu. Just like he said in Deuteronomy 30. Blessing or curses. Choose one. Ja. Amen. Genau wie in Deuteronomium 5. Mose sagt, Segen und Fluch, entscheide dich für eine Sache. Au moment du Christ, il y a toujours deux côtés, comme on a aussi écrit dans Deutéronome 30. Il y a soit la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie. Life or death, he said, choose one. Entscheide dich für eine Sache. Tutu, you have to choose one. You cannot choose both. Il a dit, il y a la vie et la mort, toi choisis un de ces deux. Amen. Amen. And he advises you to choose life. Und er rät dir, das Leben zu wählen. Das heißt, nicht zu wählen, denn er ist unser Leben. Mais il te conseille de choisir la vie parce que lui, il est notre vie. He is never against you. Er ist niemals gegen dich. Il est jamais contre toi. Just like we are never against anyone. Genauso wie wir auch niemals comme gegen nous sommes sind. Jamais contre quelqu'un. We only consider Jesus. Wir achten einfach nur Jesus. On considère seulement le Christ. We consider Christ alone. Wir achten Christus allein. On considère seulement le Christ. And that is how we are able to move on. So sind wir in der Lage, weiterzumachen. And move on with him. Mm. C'est ça comment nous sommes capables de continuer avec le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. As God's children, we separate ourselves from people. Als Kinder Gottes trennen wir uns von Leuten, also sondern wir uns von Leuten aus. Étant les enfants de Dieu, on se sépare des gens. Amen. I will explain, please. Amen. Amen. You know, Christ said the word, the truth separates us from them. It's true. But also, we also separate from them. Because he wants us to separate from them. Und Christus sagt, die Wahrheit wird uns von diesen Leuten trennen, aber er will auch, dass wir uns von diesen Leuten trennen. Jesus Christ dit que la vérité va nous séparer du monde, mais c'est vrai aussi que nous, on se sépare aussi du monde. He says, separate from the unsaved. Trenne dich von den Ungläubigen. Il dit, sépare-toi des gens qui ne sont pas sauvés. Separate from the, what they love, what they hate. Trenne dich von dem, was sie hassen. Il dit, sépare-toi. Trenne dich von dem, was sie lieben, was sie hassen. Sépare-toi des choses qu'ils aiment ou qu'ils détestent. He says separate from religion. Trenne dich von Religion. From religious people. Sépare-toi de la religion et des gens religieux. Trenne dich von religiösen Leuten. Amen. Amen. Separate from them because you can never be one with the dead people. Denn du kannst niemals eins sein mit den Toten. Sépare-toi d'eux parce que tu peux jamais être un avec les gens morts. Amen. Amen. You cannot be one from those that call themselves God's children, but do not want to accept the truth. Du kannst dich nicht eins nennen mit den Leuten, die sich Kinder Gottes nennen, aber nicht eins sein wollen mit der Wahrheit. Amen. Tu ne peux pas être un avec les gens qui s'appellent les enfants de Dieu, mais qui sont pas prêts à être un avec la vérité. God's word, you know, the word of Christ separates us from them. So also, Paul said, we are also to run away from them. Mm. Paulus hat gesagt, let's go to 2 Thessalonians 3, please. Praise the Lord. 2 Thessalonica. Paul a dit que la Bible nous dit que la vérité de Dieu nous sépare du monde, mais c'est comme ça aussi nous, on doit même fuir le monde. 2 Thessalonians. On va lire 2, 3, ab 1. To the end. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 1 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Amen. It says, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Can you see what he said they should pray for? It's not pray to have a car or a house. So amen. They pray for us that the word of Christ is preached. Ja, sie beten dafür, dass das Wort Zugang hat, ne, zu den Leuten und dass es einwandfrei läuft. Sie beten nicht für Häuser, Autos oder Geld. Ici on peut voir la prière des enfants de Dieu. Ils prient que la vérité soit glorifiée en eux et pas pour des maisons ou pour des voitures. Then in verse 2 it says, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men. For all men have no faith. Nicht alle haben Christus. Dans verset 2, on a écrit car tous n'ont pas la foi et la foi est Jésus-Christ. Verse 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Verse 4. 4. And we have confidence in the Lord, touching you, that you both do and will do the things which we command you. And verse 5, please. And the Lord directs your heart into the love of God. Amen. And into the patience waiting for Christ. Verse 6. Now we command you, brethren. It's a command. It's a Gebot. Ein Befehl. Sorry, ein Befehl. Et dans verset 6, on peut voir que c'est une recommandant. It is a command. C'est un befehl. Commandement. Befehlt uns. Amen. Nous recommande ici. Now we command you, brethren, that in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourself from every brother that walketh disorderly. Mm. And not after the tradition which he received of us. Mm. Ooh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For yourself know how you ought to follow us. For we, you know, follow, to follow. We talk about follow, follow today. Wir haben eben über Nachfolge gesprochen. Aujourd'hui, on vient de parler de suivre quelque chose. Praise the Lord. Mm. He said, for yourself know how you are to follow us. Mm. Paul said, follow me. Paulus sagt, folgt mir nach, denn ich folge Christus. Paul a dit, suivez ou bien imitez-moi, car j'imite le Christ. Jesus also said, follow me. Jesus sagt auch, folgt mir nach. Même Jésus-Christ a dit, suis-moi. We are follow, follow. Wir sind Nachfolger. Nous sommes des gens qui suivent Jésus-Christ. There's no one that is not follow, follow. Jeder ist ein Mitläufer. Il n'y a personne qui ne suit pas quelqu'un. It's either you follow Christ or you follow Satan. Entweder folgst du Christus oder dem Satan. Soit tu suis Jésus-Christ ou le diable. Praise the Lord. Amen. Amen. For we behave not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us read it to verse 10. Amen. Then verse 9. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Verse 10. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not walk, neither should he eat. Praise the Lord. Mm. Amen. Then let's go to Romans 16, please. Romans 16, verse 17 and 18. Verset 17 und 18. Wir sagen, dass wir von ihnen trennen, von ihnen fliehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. He said, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Praise the Lord. Hallelujah. Avoid them. Meidet sie. Stop asking them questions. Hör auf, ihnen Fragen zu stellen. Lass sie in Ruhe. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, avoid them. Meidet sie. You see them. On a dit, éloigne-toi d'eux. Praise the Lord. 18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Praise the Lord. You can see it. It's here. Yeah. Amen. They serve themselves. They didn't serve. Donc, ils se servent eux-mêmes, ils servent leur propre ventre. It's not about the Lord Jesus. Es geht nicht um den Herrn Jesus Christus. Pour eux, il ne s'agit pas de Jésus Christ. And by good works, our fair speeches deceive the heart of the simple. Amen. They will say they are hungry of Christ. Sie sagen, sie sind hungrig. They are after Christ. Sie sind but are you really after Christ? Aber sind sie es wirklich? Donc je vais lire encore verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc la question est, est-ce qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ pour eux? They say we should avoid them. Ils sollen sie meiden. On doit s'éloigner des gens. Amen. Les éviter. You know, notice those he said we are to avoid. Note them, please. Merkt euch, achtet mal lieber auf die Leute, auf die er, auf die er uns hinweist, sie zu meiden. Et vous devez voir les gens que Jésus-Christ dit que vous devez éloigner, éviter. He did not say avoid the true God's children. Mm. Er hat nicht gesagt, wir sollen die wahrhaftigen Kinder Gottes meiden. Il n'a pas dit éviter les vrais enfants de Dieu. Amen. Mm. He said avoid those that hate the truth. Meidet die die Wahrheit hassen. Il a dit éviter qui déteste ceux qui détestent la vérité. Amen. Amen. Avoid those that you know that are full of religion. Die voll sind von Religion. Qui sont remplis de la religion. Are you getting something? Mm. He is not saying avoid the true God children. Er sagt nicht, meidet die wahrhaftigen Kinder Gottes. Il n'a pas dit évite les vrais enfants de Dieu. And that's why if you are avoiding the true God children, then you should question your salvation. You should even question yourself. What you are believing. You were once believing, but now, are you still believing Christ? Wenn du wahre Kinder Gottes meidest, dann musst du deine Errettung in Frage stellen. Et si tu évites les vrais enfants de Dieu, là, tu dois mettre ton salut en question et même te douter toi-même. Est-ce que tu crois vraiment en Jésus-Christ? Parce que hier, tu avais cru, mais aujourd'hui, tu évites les enfants de Dieu. You can be saved today and not be saved tomorrow. Du kannst heute errettet sein, morgen bist du es nicht. Tu peux être sauvé aujourd'hui, mais demain tu n'es plus sauvé. Adam was once saved, but the next Adam day, when he disobeyed God, he was no longer saved. Aber am nächsten Tag war es nicht, als den Herrn missachtet hat. Adam a été sauvé, mais quand il a désobéi, Dieu n'était plus sauvé. He was no longer having the nature of God. Er hatte nicht mehr die Natur Gottes. Il n'avait plus la nature de Dieu. Is somebody getting it? So also is today. Even if you look at, you know, Lucifer, he was once in heaven, but today is not there. Auch Lucifer, er war einst im Himmel und heute ist er es nicht. Et la même chose avec Lucifer, il a été au ciel, mais aujourd'hui n'est plus là. Yes. That you were saved yesterday does not mean you are saved today. Until you keep on choosing Christ. That's because the kingdom of heaven is a kingdom of choice. Yeah, every day, every minute, you keep on choosing Him. Amen. Denn das Königreich ist ein Königreich der Entscheidung, der Wahl. Jede Minute, jede Sekunde entscheidest du dich für ihn. Und du musst savoir que seulement parce que nous avons été sauvés hier, ça signifie pas que nous sommes sauvés aujourd'hui, parce que le royaume des cieux est un royaume du choix. C'est ça, Amen. Que tu as choisi Jésus-Christ tous les jours et chaque minute. If you also go to 2 Corinthians 6. You already know it. Don't be equally yoked with the unbeliever. Weißt du schon, sei nicht gleichgesinnt mit den Ungläubigen. Und nein, ne soyez pas un avec les incroyants. He did not say run away from believers, but unbelievers. Er hat nicht gesagt, renn weg von Gläubigen. Il n'a pas dit fuis les croyants. If you are not running to unbelievers and running from believers, then you should question what you are doing. Wenn du weg von Ungläubigen zu Ungläubigen rennst, dann musst du deine Handlung, deine Entscheidung in Frage stellen. Et si par exemple tu évites et tu éloignes des enfants de Dieu, mais tu deviens un avec les incroyants, avec les gens qui détestent Jésus-Christ, là tu dois même te demander qui tu es, même douter ton salut. Are you getting it? He said, don't be equally yoked with unbelievers, but you now choose to be one with unbelievers, and you run away from you choose to be one with unbelievers, you run away from believers. You are just opposing Christ. Then you should question your that alone should help you to know that I'm in the wrong direction. Du bist dein Gegenteil von Christus around. Und müsstest dann erkennen, ich gehe in die falsche Richtung, ich muss wenden. Donc, tu évites les enfants de Dieu, tu t'éloignes des enfants de Dieu, mais tu ne parles même plus avec eux, tu n'es même plus prêt à avoir des conversations avec eux ou bien de reprendre sur des messages, mais tu es prêt à parler avec les incroyants, d'avoir une relation avec eux, tu es même à l'aise avec les enfants du diable. C'est ça doit même t'aider à douter ton identité et même de connaître, de savoir que tu es dans la fausse direction. I wanted to say, let us not read it, but let's go there. Let's read it. Amen. From verse 14. Verse 14. To the end. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. 2 Corinthians 6, verset 14 jusqu'à la fin. Unbelievers are not... You know, you can be going to church and you are unbelievers. Du kannst zur Gemeinde gehen und dennoch ungläubig sein. Tu peux aller à l'église mais toujours être un croyant. That you go to church does not make you a believer. Dass du zur Kirche gehst, heißt nicht, dass du gläubig bist, dass du ein Gläubiger bist, dass du zu Christus gehörst. Que tu pars à l'église, ça signifie pas que tu es croyant. You know what I always say? That you are in the car or in the garage does not make you a car. So also that you go to church does not make you a son of God. Ich sag's euch ja immer wieder, dass nur weil du in einer Garage stehst, heißt nicht, dass du kein Auto bist. Genauso ist es auch, dass wenn du in der Gemeinde bist, heißt nicht, dass du gleichzeitig ein Kind Gottes bist, weil du in der Gemeinde bist. Also, la même chose aussi, si par exemple tu es dans un garage, ça ne signifie pas que tu es une voiture. Et comme aussi quand tu es à l'église, ça ne signifie pas que tu es un enfant de Dieu. Unbelievers, there are long, you know, church goers, they are unbelievers. Kirchengänger, sie sind Ungläubige. Les gens de Dieu, les gens qui partent à l'église, ils sont des incroyants. I'm not a church goer, I'm a son of God. Ich bin kein Kirchengänger, ich bin ein Sohn Gottes. Je ne suis pas une personne qui passe seulement à l'église, je suis un enfant de Dieu. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. That's a difference between a churchgoer and a son of God. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Kirchengänger und einem Sohn Gottes. Il y a une différence entre une personne qui part à l'église et puis un enfant de Dieu. There are a lot of churchgoers everywhere, but how many are sons of God? Es gibt viele Kirchengänger, aber viele Leute sind Söhne Gottes. Es gibt wenige. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église, mais combien de gens sont sont des enfants de Dieu? C'est vraiment rare de voir des enfants de Dieu. Amen. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? It's either light or darkness. There's no in between. Entweder Licht oder Finsternis. Da gibt's keine Mitte. Donc il y a soit la lumière ou le ténèbre. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Those you are one with. Are they light or darkness? Sind sie Finsternis oder Licht? Avec lesquels tu es un? Est-ce qu'ils sont la lumière ou bien le ténèbre? You know, we want to say they are darkness, but they are about to come to light. That you are one with them already. Du sagst vielleicht, ja, sie sind Finsternis, aber sie wollen jetzt ins Licht kommen, aber du bist schon eins mit ihm, obwohl sie noch nicht mehr am Licht sind. Peut-être tu dis que oui, ils sont dans les ténèbres, mais ils sont presque dans la lumière, mais tu es déjà un avec eux. Are you getting it? Mm. Amen. Verse 15. And what concord had Christ with Belial? Or what part had he that believeth with an infidel? Amen. Those that believe Christ, those that are, he's talking about sons of God. And not just, I believe, but there's no action. Nicht nur Leute, die sagen, die glauben, aber es gibt kein Handeln. Donc ici, Jésus-Christ, disons, Paul parle des enfants de Dieu, mais pas des gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ne montrent pas les actions. You know, they might even read it and say they know, but you, if you know, you will act on it. Sie lesen das vielleicht. That's how to know. Ich weiß to es. Know me, you are one with that very thing. Aber das zu wissen. That nothing can separate you from it. Eins zu sein mit dieser Sache, dass ich nichts davon trennen kann. Das heißt eins sein, nicht einfach nur es kennen. Et il y a beaucoup de gens entre nous qui disent oui, je connais ce verset ici, mais il ne s'agit pas de connaître les choses dans la théorie, mais que tu crois ces versets puis que personne peut te séparer de ces versets. That Jesus said, you know, we started with John 17. He said, we shall know the only true God. To know me, you are one that nothing can separate you. Zu kennen heißt, dass du eins bist und dass ich nichts davon trennen kann. Donc même dans la Bible, dans Jean 17, on a écrit que connaître Jésus-Christ, c'est le vrai salut. Puis connaître Jésus-Christ, ça signifie que personne ne peut te séparer de Jésus-Christ. Are you one with Christ? Bist du eins mit Christus? Mais tu es un avec le Christ. Or just with mouth? Ou nur mit deinem Mund? Your heart is far from him. Mit deinem Herzen bist du weit weg von ihm. Ou bien c'est seulement avec la bouche que tu es un avec lui, ton corps est loin de lui. Amen. Today is not about you are lying, you are stealing. It's about who are you one with. Is it with Christ or with those without? Heute geht es nicht darum, ob du lügst oder stehst. Heute geht es darum, mit wem bist du eins? Eins mit Christus oder mit dem Satan? Et il ne s'agit pas de mentir, de voler ou bien des autres choses, mais la question est avec qui tu es un? Est-ce que tu es un avec le Christ ou bien avec les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ? You know the Pharisees, they dot all the I and cross all the T. You know, for them they don't lie, they don't steal, they don't. But they are not one with Christ. Die Pharisäer, sie halten sich an alles, aber dennoch sind sie nicht eins mit Christus. Why, par exemple, les pharisiens, eux, ils ne mentaient pas, ils ne volaient pas, ils ne faisaient pas la fornication, mais malgré toutes ces choses-là, malgré qu'ils ont obéi à toute la loi physiquement, ils n'ont pas été un avec le Christ, donc ça sert à rien d'obéir à la loi. Will you choose Christ if you won't miss death? Wirst du dich für Christus entscheiden, auch wenn es den Tod bedeutet, so wie drei Menschen, so wie Daniel. Mais est-ce que tu vas choisir Jésus-Christ jusqu'à la mort, comme les trois Hébreux, ou bien comme Daniel, qui a été dans la tombe avec les lions? Verset 16. And what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they shall be my people. Amen. Verse 17. Therefore, come out from among them. You can see it here. He said, you come out. He said, come da raus. Et ici, on a écrit, sortez du milieu d'eux. He said, separate from them. It's as simple as ABC. C'est ganz einfach. On a écrit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est vraiment très facile comme ABC. He said, don't be one with them. Seid nicht eins mit ihnen. Ne soyez pas un avec eux. Therefore, come out from among them. We are not preaching what is not in the Bible. Wir predigen nicht, was nicht in der Bibel steht. On ne prêche pas ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Somebody getting it? Praise the Lord. And be separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Verse 18 is very interesting. Who will help us to read 18? Papa will help us to read 18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Papa, which are you? 2 Corinthians 6, verse 18. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of time, please. Verse 18, I read. And we be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. You can see how to be a son of God. Until you are out of there, you are not a son of God. You can claim, you can say I'm a son of God, but you are not. He will never see you as a son. Er wird dich niemals als Vater sehen. Donc verset 18 on a écrit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc ça montre que tu dois sortir des incroyants, parce que dès que tant que tu n'es pas encore sorti d'eux, tu n'appartiens pas encore à Jésus-Christ, n'importe comment tu dis que tu es un enfant de Dieu.